boys and girls, this is Rip and Roach. Salut à tous et on se retrouve pour une nouvelle heure de Pop and Rock. Allez, on commence avec ça. Notre 80e Pop and Rock. Ce soir, au rendez-vous, le meilleur album du R.E.M. d'après moi, l'album Green, sorti le 7 novembre 88. Mais on ne restera pas au 20e siècle pour cette tripette, puisqu'on retrouvera dans l'ordre donc R.E.M., puis Karl Barat et ses Chacals, suivi de Alison Fields. On en entendra ensuite Savages, avant de retourner au 20e siècle avec Sad Lovers and Giants et Les Smiths. Mais pour le moment, second morceau de R.E.M., Turn You Inside Out. Your culture, pearls and paste. On est donc dans une soirée triplette dans Pop & Rock. On n'est pourtant ni un concours de pétanque ni à Belleville. Les triplettes dans Pop & Rock, c'est 3 morceaux par groupe. On enchaîne donc le dernier morceau de R.E.M. I Remember California. J'adore R.E.M. J'adore la voix de Michael Stipe. Bumper cars and Wolverine. déjà le plaisir d'écouter ce vieil album de R.E.M. Seul problème, comment enchaîner après ça? J'ai donc réfléchi, j'ai gratté, j'ai écouté et j'ai choisi. Deuxième triplette du soir, Charles Barat et ses Chacals pour trois titres issus de différents albums de l'ancien pote de Pete Doherty. Seconde triplette de notre pop et rock de ce soir avec Karl Barat et ses Chacals. Le premier morceau à l'instant c'était Sister et on enchaîne avec Get a Gun. I'm gonna have to get a gun. Seems like everybody else has one. I'm not the hipster type. Don't give a fuck about the hype. It's better to stay in and think of insects in my skin. I'm never north, north, I'm northwest. I know a buzzard for my hand, so that's the test. I wonder why I'm born, 'cause I lie awake at dawn. Seems I've born the cross too long for all the ones who did me wrong. Avec le troisième et dernier morceau de Karl Barat and the Jackals. On dit souvent le meilleur pour la fin, et ben c'est un de mes morceaux préférés de Karl Barat. On écoute Storm is Coming. Rain, rain, rain for four. Karl Barat et ses chacals, nouveau dilemme, quel triplet vous proposer? Alors pareil, j'ai fouillé dans mes playlists et j'ai choisi Elysian Field, le duo new-yorkais formé en 95. Si vous ne connaissez pas, préparez, on va enchaîner Red Riding Hood, inspiré par Nick Cave, Bend Your Mind, inspiré par, par Elysian Field, et encore une fois, le meilleur pour la fin, enfin mon morceau préféré d'Elysian Field, Dispossessed. Flashing red through the pines, briars in her hair, bloody lip, where I'll sip, lapping red just like wine. Granny's got a plan, take my hand, little girl, darling child. Let me keep you warm, wrap you up from the wet and the wild. Mama, big eyes you have. Mama, big hands you have. Mama, hot breath you have. Mama, sharp teeth you have. As a stillborn child, am I blue? du soir, ce sera un groupe de filles. Non, ce n'est pas Warpaint, mais un groupe anglais, la chanteuse française, qui vient d'ailleurs de sortir un album solo il y a quelques semaines. On en parlera peut-être bientôt dans Pop and Rock, mais pour le moment, on se lance avec Savages et le premier titre de leur triplette, She Will. Was he on the Le deuxième morceau de Savages, c'était à l'instant Husband, et on enchaîne donc le troisième morceau. C'est d'ailleurs le premier titre de Savages que j'ai passé dans Pop and Rock, on écoute Adore. I'm dernière tripette du soir, on monte dans notre vieille machine à voyager dans le temps pour retrouver un petit groupe anglais que je rêve de revoir en concert, Sad Lovers and Giants, avec le premier titre de leur tripette, Return to Clock Tower Lodge. J'adore ce groupe, franchement, à écouter, à découvrir ensemble. Je les ai vus à la fin des années 80 au Théâtre du Rail à Lyon avec un autre groupe qui s'appelait The Essence que j'ai perdu de vue. Par contre, Sad Lovers and Giants, c'est toujours dans mes playlists et donc toujours dans Pop and Rock sur RVR avec un second titre, Things We Never Did. We'll be right back. Ce soir, mais on n'aura pas le temps, donc on va se quitter avec le dernier morceau de Salvador the Giants. Ce sera le fabuleux Like Thieves, et moi je vous dis rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Bis à tous. Should find.